Salut tout le monde! Alors qu'est-ce que vous faites? Ça fait une heure qu'il ne pleut plus. Il ne pleut plus? Ah non? Pas possible! Si, si, je t'assure, ça se lève! Alors, vous venez faire de la voile? Non mon vieux, pas aujourd'hui. Aujourd'hui on fait la sieste. Attendez-moi, Jean-Denis. Moi je viens, je vous laisse. Oh là là, c'est sportive! Tiens, quand on s'y reste, ça va mieux. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça fait une heure qu'il ne pleut plus. Ça fait une heure. Ça fait une heure. Ça fait une heure qu'il ne pleut plus. Ça fait une heure qu'il ne pleut plus. Est-ce qu'il pleut encore? Non, il ne pleut plus. Alors, vous venez faire de la voile? Vous venez faire de la voile? Faire de la voile? Vous venez? Vous venez? Vous venez faire de la voile? Qu'est-ce que Jean-Denis propose de faire? De la voile? Oh non mon vieux, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la sieste. On fait la sieste. Aujourd'hui, on fait la sieste. Pourquoi est-ce que Georges refuse d'aller faire de la voile? Parce qu'ils font la sieste. Attendez-moi, Jean-Denis, moi je viens, si vous voulez. Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi. Moi, je viens, si vous voulez, si vous voulez. Moi, je viens, si vous voulez. Oh là là, quelle sportive! Oh là là, quelle sportive! Tiens, prends ton ciré, prends ton ciré. Tiens, prends ton ciré. Tiens, prends ton ciré, ça vaut mieux, ça vaut mieux. Tiens, prends ton ciré, ça vaut mieux. Tiens,